Shakespeare, prince des poètes anglais, par Jules Chancel. Selon la formule qui consiste, pour faire moderne, à nier ce qui, jusqu'à présent, a été universellement reconnu et admis, certains critiques se sont évertués dans ces dernières années à prouver dans de volumineux ouvrages que Shakespeare n'avait jamais existé. Shakespeare, c'est Bacon. Shakespeare, c'est tel noble lord qui un jour s'était avisé d'écrire pour occuper son désœuvrement. Shakespeare, enfin, c'était tout ce qu'on voulait, sauf Shakespeare lui-même. Ce qui a pu favoriser l'exploitation de ces paradoxes, c'est que, en dépit des recherches minutieuses faites par les Anglais sur l'origine de leur poète national et les premières années de sa vie, tous se sont heurtés à des lacunes, à des obscurités troublantes. Et pourtant, l'œuvre est là, formidable, indiscutable. Il suffit à nous permettre d'évoquer l'existence aventureuse et mystérieuse du grand génie théâtral anglais. William Shakespeare naquit le 23 avril 1564 à Stratford-sur-Avon, comté de Warwick. Il était l'aîné d'une famille de 10 enfants. Son père tenait un commerce de laine auquel il avait adjoint le métier de boucher. Le jeune William fut d'abord envoyé à l'école publique, mais une croyance séculaire laisse croire que, par suite de manque d'argent, il fut forcé d'interrompre ses études afin d'aider son père dans la peu agréable besogne qui consiste à tuer les animaux. Et dès maintenant, nous nous trouvons en face d'une première et troublante contradiction. Comment admettre qu'un enfant illettré, comme l'aurait été Shakespeare, quittant l'école à l'âge de 11 ou 12 ans? Comment admettre que l'écrivain futur ait pu puiser dans les seules tragédies de l'abattoir les inspirations de ces grandes pièces classiques ou historiques qui constituent ses premières œuvres? Il y a là, il faut l'avouer, un semblant d'argument pour les négateurs de Shakespeare. Mais voici par contre un épisode de son existence que nul ne pourra mettre en doute, car il figure dans une des œuvres même de l'auteur. C'est celle où l'on voit le personnage ridicule de Jules Shallow voulant instrumenter contre Falstaff, coupable d'avoir commis un délit de chasse. Cette affubulation avait une origine réelle. Shakespeare, à 20 ans, était marié. Cela ne l'empêchait d'ailleurs nullement de continuer à mener une vie libre et irrégulière. C'est ainsi qu'il s'était livré un jour, en compagnie de 2 de ses amis, à des actes de braconnage commis sur les terres d'un gentilhomme du canton, Sir Thomas Luez. Des gardes l'arrêtent. Il s'enfuit à Londres pour éviter les poursuites du seigneur, d'autant plus irrité contre lui qu'il ne s'était pas borné à voler son gibier, mais encore l'avait tourné en ridicule dans une ballade particulièrement satirique. C'est à ce moment que le jeune Shakespeare, dénué de toute ressource, mais attiré vers le théâtre comme le phalène vers la lumière, en fut réduit à garder, à la porte d'un de ses établissements, les chevaux des spectateurs qui le fréquentaient. Comment Shakespeare arriva-t-il à passer de cet emploi essentiellement subalterne à celui de comédien et d'auteur dramatique? Voilà ce qu'aucun de ces historiens ou commentateurs n'a pu nous dire de façon certaine. La seule chose sûre est que, en l'année 1592, Shakespeare était déjà connu en Angleterre autant comme acteur que comme auteur. Il était même célèbre puisque des libelles blessants étaient imprimés contre lui. Quel fut le premier ouvrage du grand écrivain? C'est lui-même qui nous répondra à cette question puisque nous trouvons dans la dédicace d'un poème intitulé « Vénus et Adonis » une phrase de Shakespeare disant qu'il offrait à Lord Southampton ce premier-né de son imagination. Presque en même temps paraissait le poème de Lucrèce. C'est ce Lucrèce qui nous avait fait formuler tout à l'heure le doute sur la possibilité de voir un petit tueur de bœufs capable d'écrire de but en blanc un poème dans la forme classique de Lucrèce. De même, nous trouvons dans d'autres œuvres de Shakespeare des inspirations directes des poètes italiens. Comment le mystérieux écrivain a-t-il pu s'inspirer ainsi d'auteurs dont il ne connaissait pas la langue? Nous ne nous chargeons pas plus de répondre à ces questions que n'ont pu le faire les innombrables commentateurs anglais de Shakespeare. L'un d'eux, cependant, fournit une explication assez plausible. Le directeur-acteur, en dehors de ses pièces nouvelles et inédites, se livrait par nécessité professionnelle à une série de retouches, de démarquages des pièces mauvaises ou incomplètes, constituant le répertoire un peu incohérent et désordonné du théâtre de cette époque. Est-ce de cette façon qu'il eut en main des traductions du théâtre italien? la chose est possible, et il aurait ainsi écrit des pièces faites au goût du public, telles que Lord Cromwell, le prodigue de Londres, Périclès, etc. Accablé par cette besogne formidable d'auteur, d'acteur et de directeur, Shakespeare avait été obligé d'habiter Londres de façon continuelle, mais il n'avait pas pour cela perdu contact avec son pays natal, et il y faisait assez souvent de courtes visites. Sa vie à Londres était libre, facile, fastueuse même. Comme tous les comédiens importants de cette époque, Shakespeare se dédommageait de manquer de considération, ainsi que tous les gens de sa profession, en s'adonnant entièrement au plaisir. Tous les écrivains anglais qui ont écrit sur Shakespeare s'accordent cependant à louer sa droiture et sa bonté d'âme. Quant à sa valeur comme acteur, il est difficile de la juger. On sait seulement que dans Hamlet, il représentait le spectre d'une façon effrayante et que dans certaines pièces, il poussait l'abnégation jusqu'à jouer parfois plusieurs rôles. Il n'est pas rare de trouver, en effet, sur les listes d'acteurs qui précèdent les vieilles éditions des drames anglais, le nom de Shakespeare figurait modestement au milieu de noms obscurs, sur la page de garde d'un ouvrage complètement oublié. On peut se demander quels furent les rapports de Shakespeare avec la cour et si, comme Molière, qui reçut de Louis XIV les plus chauds encouragements, le poète anglais fut lui aussi aidé et soutenu par le roi. Nous savons seulement que la reine Élisabeth avait fait ses délices du personnage bouffon de Falstaff dans Henri V. Aussi, en reconnaissant sans doute de la joie que lui avait causée ce personnage, la souveraine laissa toute liberté au poète dans le choix de ses sujets, et celui-ci n'eut à se gêner en rien pour montrer la tyrannie de Henri VIII. Jacques Ier ne se montra pas moins favorable à Shakespeare. Il avait été sensible aux prédictions flatteuses pour les Stuarts que le poète avait intercalées dans Macbeth, et comme il s'occupait de protéger les arts, il songea même à confier à l'auteur dramatique la charge de directeur des comédiens de Blackfriars. Mais quand il voulut trouver Shakespeare pour lui donner cette place, le poète avait quitté Londres. En effet, Shakespeare, en dépit de son génie excessif et désordonné, était en réalité un esprit calme et pondéré. Il avait réalisé quelques petites économies dans son hasardeux métier de directeur de théâtre, et à peine âgé de 54 ans, il avait estimé que l'âge de la retraite était arrivé. C'est pour cela qu'il avait abandonné la capitale et s'était retiré dans sa ville natale, comme un bon petit boutiquier qui a réalisé, grâce à son travail, une médiocre fortune et entend vivre de ses rentes. Hélas, il ne jouit pas longtemps de ses loisirs, car 2 ans plus tard, en l'an 1616, il mourait. Son testament que l'on a publié et qui porte la date de l'année 1616 était fait, dit-il, au commencement de cet acte, en état de parfaite santé. L'écrivain commence par exprimer dans ce testament des sentiments de piété profonde, puis il dispose de divers legs en faveur de sa fille Eudille, d'une sœur, d'une mère, et enfin de sa femme, dont en réalité il s'était assez peu occupé au cours de son existence. Il lui légua cependant, en mourant, son meilleur lit avec sa garniture. Il est bon de signaler que si la réputation de Shakespeare n'a fait que grandir depuis sa mort, au point d'en faire une sorte de dieu littéraire national, ses contemporains ressentirent vivement sa perte et lui distribuèrent, séance tenante, les louanges les plus éclatantes. Son rival lui-même, Ben Jonson, saluait sa mort de ces phrases dithyrambiques « Triomphe, ô ma chère Angleterre, tu peux montrer un homme à qui tous les théâtres d'Europe doivent hommage. Il n'appartenait pas à son siècle, mais à tous les siècles. La nature elle-même s'enorgueillit de cette pensée et se complaît à porter la parure de ses vers, brillant d'un éclat si riche et tissé avec tant d'art. » Ceci nous prouve que de son vivant même, Shakespeare était arrivé à conquérir une grande place parmi ses contemporains. L'importance de son œuvre l'expliquera facilement. La liste de ses pièces non contestées renferme 36 ouvrages produits dans un espace de 25 ans, de 1589 à 1614. Certes, nous trouverons dans le théâtre du grand poète anglais des lacunes, certaines impropriétés de mœurs ou de langage, des obscurités, des incohérences même, mais n'oublions pas que ces pièces étaient faites pour être jouées dans une misérable auberge, devant une assemblée dénuée de lettres et qui sortait à peine de la barbarie. Toutes les absurdes invraisemblances, toutes les bouffonneries que prodigue Shakespeare dans ses pièces, étaient communes aux grossiers théâtres que nous avions à la même époque. C'était la marque du temps. Et puis, il faut juger Shakespeare à travers l'Angleterre. Nul poète ne fut jamais plus national. Il personnifie le génie anglais lui-même, avec ses allures fières et libres, sa rudesse, sa profondeur et sa mélancolie. Le monologue d'Hamlet gagne à être récité au milieu des brouillards du Nord. Et la noire ambition de Macbeth appartient bien au peuple chez qui le trône fut disputé par tant de guerres et tant de crimes. Et ceci explique le fétichisme dont est entouré le nom de ce poète par les Anglais. En 1740, les dames anglaises érigèrent à Shakespeare, dans l'église de Westminster, un superbe mausolée. En 1769, un prêtre protestant avait acheté la maison du poète à Stratford. Il commit l'imprudence de faire abattre un arbre que Shakespeare avait planté lui-même. Aussitôt, les Straffordiens, indignés d'un pareil attentat, s'attroupèrent et chassèrent le professeur de leur ville avec défense d'y jamais revenir. Avec le bois de ce mûrier, on fabriqua des boîtes, des éventails, des tabatières, et c'est dans une de ces boîtes vénérées que fut envoyé, au grand acteur anglais Garrick, l'acte de franchise de la ville de Stratford, dont on lui avait fait hommage. Il est beau pour un poète de susciter de semblables enthousiasmes, et il faut avouer qu'il est également beau pour un peuple de les ressentir. C'était Shakespeare, prince des poètes anglais, par Jules Chancel.